The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To die of. Mourir de. À la carte. Ingredient. L'ingrédient. On the spot. Sur place. To meet a huge success. Cartonner. Now, a bit faster. To die of. Mourir de. À la carte. À la carte. On the spot. Sur place. To meet a huge success. Cartonner. Ingredient. L'ingrédient. Now, use the words in context. Mourir de. This horror film is frightening. I was scared to death the whole time. Ce film d'horreur est terrifiant. J'étais morte de peur pendant toute la séance. Mourir de. I haven't eaten for the whole day. I am literally starving. Je n'ai pas mangé de la journée. Je suis morte de faim. Mourir de. Don't you want to start a fire in the fireplace? We are dying of cold. Tu ne veux pas allumer un feu dans la cheminée? On meurt de froid. À la carte. We offer different set menus, or you have a choice of dishes à la carte. Nous proposons différents menus, ou bien vous avez un choix de plat à la carte. À la carte. If you only order dishes à la carte, it's very expensive, but fixed price menus have appealing prices. Si tu ne prends que des plats à la carte, c'est hors de prix. Mais les menus sont à un prix intéressant. À la carte. The plat du jour isn't very good. It's the one included in the set menu. I'm wondering if I shouldn't take a dish à la carte. Le plat du jour n'est pas très bon. C'est celui qui est inclus dans le menu. J'hésite à prendre un plat à la carte. L'ingrédient. I have all the ingredients for the cake except the flour. Can you go to the grocery store downstairs to buy some? J'ai tous les ingrédients pour le gâteau, sauf la farine. Tu peux aller en acheter à l'épicerie en bas. L'ingrédient. Here's the list of ingredients for the spaghetti alla carbonara. Pasta, fresh cream, eggs, smoked bacon, onion, salt, and pepper. Voici la liste des ingrédients pour les spaghettis à la carbonara. Pâte, crème fraîche, œufs, lardons fumés, oignons, sel et poivre. L'ingrédient. I have all of the necessary ingredients to make a chocolate mousse, but I don't have a mixer for beating the egg whites. J'ai tous les ingrédients nécessaires pour faire une mousse au chocolat, mais il me manque un mixeur pour battre les blancs en neige. Sur place. No need to make any sandwiches for the outing. We'll find a restaurant on the premises. Ce n'est pas la peine de préparer des sandwiches pour l'excursion. On trouvera un restaurant sur place. Sur place. I like being on the premises to make sure that everything is okay. J'aime bien être sur place pour vérifier que tout se passe bien. Sur place. In this restaurant, they don't use frozen food or pre-made meals. Everything is cooked on the premises. Dans ce restaurant, ils n'utilisent pas de produits surgelés ou de plats tout faits. Tout est cuisiné sur place. Cartonné. I've been really good during this negotiation. I got an order that went way beyond my expectations. J'ai cartonné lors de ce rendez-vous. J'ai obtenu une commande qui dépasse mes attentes. Cartonné. He has been doing great on his exams. He passed all of his classes and even got honorable distinction. Il a cartonné lors de ses examens. Il a validé toutes ses matières et même obtenu une mention. Cartonné. This club is a huge success right now. It's where all the young, fashionable people in town hang out. Cette boîte de nuit cartonne en ce moment. C'est le rendez-vous des jeunes fashion de toute la ville.